Ben, j'ai vu ça récemment. D'ailleurs, tu as fait une vidéo où tu as détruit le livre La Genèse du réel. Ben, j'en ai pas besoin. Ben, je te Mais. comprends, mais c'est intéressant comme vidéo parce que ça montre que tu es capable d'être détaché de la forme. Moi-même, j'avais eu un livre de Bernard par-delà le mental que j'ai détruit il y a quelques années. Puis je pense qu'à un moment donné, parce qu'on a beaucoup étudié l'instruction supramentale au fil de nos enregistrements, à un moment donné, il faut être capable d'être suffisamment libre de la forme pour de se départir, voire même détruire des livres qui sont associés à ce qu'on étudie. Ouais, puis pourquoi je l'ai fait en public, c'est parce que je sentais qu'il y en a qui étaient rendus là. De toute façon, la Genèse du réel est disponible. Oui, sur Internet, en format PDF, là. Puis à mes yeux, il fallait que quelqu'un le fasse. Il fallait qu'à un moment donné, quelqu'un le fasse. Oui. J'ai décidé de le faire parce que personne ne le faisait. Moi, Je j'avais dis, ben moi, je vais le mentionné faire. que j'avais détruit un livre de Bernard dans un enregistrement, mais on ne me voyait pas. Mais tu as eu l'audace de le faire, puis quand que tu as fait cet enregistrement, ben, j'ai écouté cet enregistrement-là que tu avais fait. Là, je m'étais dit, les gens qui vouent un culte à Bernard vont sans doute être insultés, puis ils vont sans doute réagir par rapport à ça. Sacrilège! Un peu comme un chrétien qui verrait détruire une Bible. Il y a certaines personnes peut-être radicalisées ou fanatisées qui vont mal réagir, là. Ben, s'il y en a que pour eux autres, c'est un sacrilège, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Puis c'est pas mon problème. C'est leur affaire. Ça fait partie de leur expérience, comme dirait Bernard. C'est ça. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que le culte qu'autrefois les chrétiens avaient pour le livre de la Bible, la Genèse, entre autres, Il l'a encore. oui, mais j'ai l'impression que certaines personnes ont défroqué du christianisme pour mieux plonger dans le culte de la Genèse du réel de Bernard de Montréal et son instruction. Mais dans les deux cas, ils ont le même comportement, le même pattern, c'est-à-dire vouer un culte à un personnage, à son livre. Si on conteste ça, on remet ça en question, il y en a qui prennent ça très mal. C'est comme ils se sentent attaqués personnellement, là. Ben moi, si je vois quelqu'un détruire une Bible, je ne vais rien dire que ce que je fasse. De toute façon, c'est le livre le plus imprimé qu'il y ait jamais eu. Mais il reste que moi-même, jamais je déchirerai une Bible, là. Non, je comprends. Ce que je veux dire par rapport à ton geste, ce qui est intéressant de voir, parce que il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui vont dire, bon, ils abordent souvent des thèmes en lien avec l'instruction supramentale, ils doivent être des adeptes, mais en réalité, c'est pas parce qu'on les aborde qu'on est des disciples de Bernard. Non, même pas du tout. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben, va falloir que je l'officialise. J'ai beau le dire, là, ça rentre pas. Bien, je pense qu'en faisant un geste de puissance comme ça, le détruire devant la caméra, là, les gens vont comprendre sans équivoque que tu n'es pas un disciple de Bernard de Montréal. Ben non. Parce qu'un disciple, c'est un disciple. Je suis pas disciple de rien. Je peux pas. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître de son vivant. Mais Bernard, c'est pas un maître. Puis il y en a qui l'ont suivi comme si c'était un maître. Oui, puis il y en a sans doute des nouveaux personnes qui l'ont découvert sur le net qui lui vouent un culte avec les saintes écritures bernardiennes, c'est-à-dire les livres comme la Genèse du réel, par-delà le mental, et ainsi de suite, là. Mais ben pourquoi à un moment donné, Bernard, il dit au monde de ne pas lire ça? Puis pourquoi, si on certaines confidences qu'il a faites à du monde proche, à un moment donné, il a dit qu'il s'était fait avoir de certaines affaires, que c'était arrivé. Tu sais, je veux dire, c'est comme l'affaire que Roche Sauvage, c'était pour mettre en initiation du monde, puis leur faire intégrer des affaires. Moi, ça passe pas, ces rationalisations-là. Bernard s'est fait avoir, puis a embarqué du monde avec lui. Moi, je l'ai vécu, ça, dans ma famille. Oui, tu racontais Puis. dans un enregistrement par rapport à ta grand-mère, entre autres, qui s'était impliquée par rapport à ça. Elle avait, je pense, donné de l'argent. Ouais. Puis quand elle a voulu avoir son argent, comprendre ce qui se passait avec son argent, Bernard, il y a pété une coche. Elle est allée le voir à son bureau. Tout ce qu'elle trouvait à dire, c'est qu'elle était possédée par des forces animaliennes parce qu'elle portait quelque chose qui avait un motif léopard. Fait que Bernard, l'idéaliser, c'est dangereux. Comme toute personne. Ben oui. comme idéaliser nos politiciens, Justin Trudeau, François Legault, Pascal Bérubé ou autres. Mais le point par rapport à Bernard, pour recontextualiser l'information, le projet Roche Sauvage, si je ne me trompe pas, c'était par rapport à la construction c'était une espèce de resort, une espèce d'endroit avec des chambres d'hôtel. Puis là, les gens pour aller, dans le fond, c'était en Haïti. Il y en a un qui était au Costa Rica, puis l'autre en Haïti, là, Au en tout début, cas. c'était l'idée, c'était au Costa Rica. Mais quand ils sont allés sur place, ils ont vu des transactions de drogue à l'aéroport. Ils ont vu quelque chose, puis ils ont considéré qu'ils avaient été témoins d'une transaction de drogue, puis ils ont décidé de ne pas faire ça au Costa Rica. Ils ont eu la merveilleuse idée d'aller faire ça à une place pire. Donc en Haïti. Ben, à cause de les politiques des Français, des Canadiens, des Américains, Haïti, c'est bien plus dangereux que le Costa Rica, là. Ça n'a aucun sens. C'est comme si je voulais faire une marina en Somalie. Non, c'est ça. Puis au fil des ans, il y a tout le temps des problèmes d'instabilité politique importants, des soulèvements, de la corruption aussi. Moi, ce qui me dépasse, c'est comment ça se fait qu'ils n'ont pas eu la capacité de voir que ça n'avait pas d'allure. C'est ça, moi, qui me dépasse. Que ça allait pas marcher, c'était l'évidence même. Il y avait Mais 100% de chances que ça ne marche pas. peut-être qu'il était aveuglé par rapport à un culte que ces gens-là voient à Bernard en disant, si Bernard dit d'aller en Haïti construire un réseau hôtelier, c'est parce que ça va marcher, c'est un initié. Ben oui, mais moi, ce que je parle qui me dépasse le plus, c'est comment ça, lui-même, il ne l'a pas vu. Ben, Il n'y a il y personne avait. qui va me faire à croire qu'il savait. Sinon, il n'aurait pas fait ça. Ben, il y a des choses qui lui sont voilées. De ce que j'ai compris, c'est pas parce qu'il était en contact avec des forces de nature occulte, qu'il comprenait toute sa vie. Il y a des Pas événements. juste ça. Moi, je te parle d'exemple de profond manque de discernement, mais d'une profondeur abyssale. Bernard, il pensait que Joseph Smith, le fondateur du mormonisme, avait réellement rencontré l'ange Moroni. Il en parle comme de des faits. Je me souviens des enregistrements où il parle de Joseph Smith quand il a rencontré l'ange Moroni. Faut être profondément naïf. Tellement que j'en suis venu à penser que peut-être. Puis là, c'est dangereux ce que je vais dire. Mais peut-être que Bernard, c'est une sorte d'autiste, puis qu'il avait une naïveté sociale extraordinaire, mais pas juste par rapport au social. C'est une Parce que. possibilité à ne pas écarter. Par contre, dans un enregistrement de la psychologie évolutionnaire, ce qui fait référence à Monron, il y a une façon de le communiquer théâtral avec une forme d'humour en disant qu'à Joseph Smith, dans le fond, il rencontre. Tu sais, je pense qu'intentionnellement, il va personnaliser le contact qu'il a vécu. Donc, avec Moroni, Joseph Smith, d'une manière un peu caricaturale, avec humour. Fait que moi, je ne le prends pas nécessairement au premier degré, là. Ouais, mais c'est un manque de discernement pareil. Ouais, mais si tu t'adresses à une foule, des fois, tu vas Si je caricaturer. m'adresse à une foule, là, puis que je parle de Raël, penses-tu que je vais en parler comme de un sujet d'humour, puis Non, non. Si je me mets à parler de certains personnages, je vais dire attention. Je vais pas dire ah, oh, ben, quand Raël il a rencontré les Elohim, puis blablabla. Parce que. Je vais essayer de protéger le public de son propre manque de discernement, surtout s'il a confiance en moi. Je vais faire attention à ce que je dis. Ça Oui, n'a aucun mais je sens, te là. donne un exemple, OK? Donc, quelqu'un qui dit qu'il rencontre des extraterrestres, je pourrais t'en parler avec une certaine dose d'humour. Moi, je trouve ça assez spécial. Le gars, il se fait dire par les extraterrestres qu'il est le frère de Jésus. Il voit un repas sur la planète des Elohim, puis il avait été interviewé par Réal Bellan. Puis là, Réal, il dit comment qu'étaient les gens qui faisaient le service. Ah, c'était des filles qui étaient jeunes, belles, puis sexy. Réal Bellin. Oui, il avait Oh, été j'ai pas vu interviewé ça. Raël par Réal Bellan, c'est sur YouTube. Mais je sais que Jean-Luc Mongrain qui l'avait interviewé aussi, puis quand il parlait de son souper, Jean-Luc Mongrain, il avait dit qu'est-ce qu'il avait à manger. Puis Vorion, il était figé. Ça, c'est un autre aspect, c'est-à-dire quand vient le temps de donner certains détails, il va rester vague. Mais il va dire des choses, c'est drôle, c'était toutes des filles qui étaient jeunes, belles et sexy, qui faisaient le service au temple avec Jésus, Bouddha, puis tous les grands maîtres spirituels. Il n'y avait pas de vieille madame laide. Ben oui, ils vont où? Tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que c'est un peu ça comme la même tactique que les Achachines, qui se faisaient droguer puis se réveillaient dans un beau jardin avec plein de belles femmes, plein de belles jeunes femmes. Après, ils étaient redrogués par ces belles jeunes femmes-là. Là, ils retombaient encore dans un état comateux. Parce que ça devait être un peu comme du Black Bombay, un mélange de haschich puis d'autres affaires comme du pavot. Là, ils se réveillaient dans la pièce où ils s'étaient endormis la première fois. Puis le vieux de la montagne, il leur disait, il dit, t'as vu le paradis? Si tu veux avoir ce paradis-là, là, avec toutes ces femmes-là, puis toutes, là, puis ben, il va falloir que tu ailles t'abattre. Puis il va falloir que tu fasses l'émission qu'on te demande. Puis après, même que tu meurs, tu vas avoir tout ça. Mais la personne, elle se doutait pas qu'elle l'avait vécu pour rien, parce que dans le palais de ce bonhomme-là, il y avait une place, qu'il y avait un harem puis des jardins, mais c'était caché. Il les droguait, il s'endormait, il les amenait là, il se réveillait là-dedans. Après, il se rendormait plutôt, puis il retransportait dans l'autre pièce où il était la première fois. C'est des très vieilles tactiques. C'est comme l'affaire des terroristes puis leurs 72 vierges qui sont promises. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de vieille madame dans la sphère Arael. Parce qu'il n'est pas fou, le gars. C'est ça. Ben ça te montre qu'il y a une préméditation, qu'il y a. Tu sais, on le voit, là. Mais ça s'adresse à qui? C'est du monde qui ont rien que l'argent puis le cul dans la tête, comme je te disais tout à l'heure. Donc, c'est recruter des animaux, ça donne quoi? Mais Ça veut dire que c'est lui, c'est. En plus, c'est. Comment je pourrais dire ça? Il se fait appeler. Tu sais, il joue avec le. Il dit qu'il est de père inconnu. Non, non, on le connaît, son père. On sait c'est qui. Si on faisait un test d'ADN. Tu sais, à un moment donné, ça va faire. C'est pareil dans tout. J'aime autant quelqu'un qui a un sens critique, peut-être des fois exagéré, puis qui est peut-être quasiment paranoïaque, que quelqu'un qui croit n'importe quoi. Il faut être critique de tout, même de Bernard, même de tout. Et c'est ce que j'apprécie chez toi, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours de l'intérêt à discuter au fil des mois là, en ta compagnie, parce que sur Internet, depuis plusieurs années, il y a des gens qui m'ont approché pour faire des entrevues ou des discussions, puis j'ai souvent refusé parce que il y a plusieurs personnes qui sont dans un culte ou une fascination par rapport au supramental, puis ils sont pas capables de jeter un regard critique par rapport à Bernard de Montréal, tu sais, ou Ben être non. autocritique. Parce que même par rapport à tout ce qu'il a dit sur la spiritualité, le monde en fond de la spiritualité. C'est le paradoxe. On le dit de ne pas Tandis le que. croire, puis Christ, c'est comme une injonction paradoxale qui est vécue par certains qui va faire en sorte qu'ils vont le croire davantage, parce qu'ils vont dire, lui, il est correct. Parce qu'il dit de pas le croire. Ben ouais, mais là, l'affaire, pour moi, le supramental, oui, il y a des phénomènes psychiques. Puis pour l'avoir vécu. Ce qu'il y a derrière ces phénomènes psychiques-là, c'est encore mystérieux. C'est encore un petit peu inconnu. Fait que pour moi, ces phénomènes-là, c'est des sujets d'études scientifiques, si on peut dire presque. Puis pour moi, Bernard, c'est surtout un sujet à effet psychique. Puis donc, c'est un peu comme Myrine Dajot, là. Tu sais, je veux dire, c'est des cas qu'il faut étudier pour essayer de comprendre. Puis peut-être ça pourrait faire avancer notre conscience, justement, dans le sens que on va finir par faire des découvertes. Mais en attendant, je veux dire, s'il n'y avait pas eu l'alchimie, il n'y aurait pas la chimie. Si, tu sais, je veux dire, c'est pareil dans tout. Donc, Bernard, plus on va le mettre sur un piédestal, puis le voir comme un prophète ou un avatar, puis plus qu'on est fait, puis plus qu'on va se bloquer, puis le pire, c'est que lui-même, il en a parlé de ça. Il avait même mis les gens en garde par rapport à ça, pour pas faire un culte. Mais c'est que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que plus que tu mets les gens en garde, plus ça crée un lien de confiance, puis plus qu'implicitement, ça donne le terreau propice pour certains de vouer un culte à la personne qui fait ça. C'est pour ça que c'était important de regarder, il était comment ce gars-là, au niveau de sa vie, puis tout. Moi, à un moment donné, il y a du monde qui parlait de lui, puis là, ah, oh, c'était un génie de l'investissement, puis il pouvait faire 15 000 piastres en quelques minutes, puis Ben oui, mais à un moment donné, c'est pour ça que moi j'avais laissé un commentaire à une place. J'avais dit, ouais, mais à un moment donné, moi je l'ai su par d'autres membres. Les huissiers étaient rendus chez eux, puis ils saisissaient un meuble, puis c'est arrivé. Puis de tout de suite, j'ai été supprimé. C'est sûr, le monde ne veut pas le savoir. C'est ça, ils veulent juste l'aspect de la personne qui fait leur affaire pour que ça aille à l'encontre de leurs croyances et leur idéalisation. Il y en a qui sont en lune de miel. C'est un petit peu comme les gens qui rencontrent ce qu'ils vont appeler leur âme sœur ou leur flamme jumelle au niveau du couple. Donc, dans les premiers temps de la relation, ils voient juste les qualités, ils ne voient pas les défauts parce qu'ils sont amoureux. Il y a un adage qui dit que l'amour rend aveugle. Donc, il y a un aveuglement dans certains cas, j'ai l'impression, volontaire qu'ont des gens par rapport à Je suis Bernard. pas sûr que c'est volontaire tant que ça, parce qu'ils sont en espèce de sont fascinés. Tu sais, t'es pas volontairement fasciné. Tu t'en rends pas compte tout à fait Donc, c'est nécessairement. malgré eux. Ouais. Donc, à ce moment-là, ça revient au terme que je voulais aborder avec toi, c'est-à-dire le libre arbitre. Est-ce que à quelque part, les gens, à quel point ils sont responsables de leur action, dans le sens que s'ils sont sous influence de forces qu'ils ne sont pas capables de contrôler ou contenir à ce Ben, moment-là. sont livrés à leur conscience, dans le sens que, justement, plus que tu veux pas voir quelque chose, plus tu te retardes. Bon, c'est peut-être pas l'individu qui décide ça, mais tôt ou tard, à un moment donné, c'est parce qu'il y a des choses, des fois, des éléments qu'est-ce que tu veux, je te dis, c'est factuel. Puis même les gens qui l'ont connu, ils rapportent des affaires que, désolé, mais ça n'a pas de bon sens, quelqu'un qui agit de même. Dans le sens que peu importe ce que tu donnes comme raison, moi, j'arrive pas à justifier ça. C'est comme l'anecdote qui était rapportée dernièrement, qu'à un moment donné, à 3 heures du matin, Bernard, il réveille sa femme et sa fille, puis on s'en va à New York. Moi, quelqu'un qui agit de même, je considère que c'est pas un père de famille qui a de l'allure, là. C'est quoi ces affaires-là? Sur un coup de tête de même, on part à New Oui, York. ça a été rapporté par Richard Glenn dans l'une de ses Ben plus j'en émissions. apprends, moi, plus que Bernard, ça confirme ce que j'ai tout le temps pensé, même quand j'étais tout petit. Mais la problématique par rapport à ça, c'est que plus que le temps On ne peut pas passe, vérifier non plus. ça devient difficilement vérifiable, puis aussi plus que les souvenirs peuvent se déformer au fil des décennies qui s'écoulent. Il y a des gens qui m'avaient rapporté qu'au niveau investissement boursier, au début des années 2000, Bernard a réinvesti massivement de l'argent dans les actions de la compagnie Nortel. Par la suite, il a perdu, on m'a dit, au-dessus de 200 000 $ là-dedans, là. Mais Bon, bon. c'est moins pire que ce que j'aurais pensé, là. Mais bref, il aurait perdu une grande quantité d'argent. Ça m'a été rapporté par plusieurs personnes, mais le point, c'est qu'en date d'aujourd'hui, je ne peux pas faire une enquête pour valider l'information. Je n'ai pas accès à ces relevés bancaires. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être amenées. Puis bon, le but de l'enregistrement, ce n'était pas nécessairement de faire le procès de Bernard de Ben Montréal. non. C'est pas l'affaire, c'est pas de faire le procès de Bernard de Montréal. C'est d'étudier c'est quoi un sens critique. Dans le sens que, je veux dire, il y en a quand même qui l'ont connu, puis qui. Je veux dire, avec les éléments qu'on a, le portrait devient quand même. Je veux dire, c'est qui? Je pense que c'est Moses que tu avais interviewé, Oui. qui disait que dans un avion, il donnait des coups de pied dans le siège en avant pour starter une chicane pour le tester. Tester Moses. C'est pas lui qui avait rapporté ça. En fait, C'est soit lui ou Daniel Bennard maintenant qui a rapporté ça. Ça fait quelques années que ça. désolé, je ne me rappelle pas assez. Faut comprendre aussi que l'entrevue que j'ai faite avec Donald Moses, ça remonte il y a plus de 10 ans. Donc, c'était en 2012, alors qu'on est en 2024. Donc, mon souvenir n'est pas clair, mais je sais qu'il avait raconté qu'il avait été en avion avec Bernard de Montréal. Il racontait qu'à un moment donné, il pensait mourir là, en avion, que l'avion laissait écraser. Oui, dans mon Bon, mais c'est souvenir, pas cette c'est... anecdote-là, OK, mais en tout cas, peu importe, je ne m'aventurerai mais pas là-dedans parce que c'est pas frais dans ma mémoire. ça fait plusieurs qui rapportent des affaires de même. Tu sais, c'est pour ça que je te dis, c'est à se poser des questions parce que on remarque un comportement, ça explique pas tout, là. Je veux dire, l'affaire, OK, c'était un initié, si pis ça, ouais, mais. Il y a des affaires que. Tu sais, c'est comme lui-même, il dit, quand quelque chose est intelligent, c'est intelligent. Mais des fois, quelque chose qui n'est pas intelligent, c'est pas intelligent, point, là. Ben, c'est pour ça que moi, plus ça va, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est de le descendre un peu à un niveau que c'est un humain. C'est un humain. C'est pour ça qu'il y a un paquet d'affaires. Moi, juste regarde à quel point, comme quand il parle des forces riemanniennes. Mais c'est Steiner qui a amené ça. Oui, Tu sais, puis ça vient du manichéisme, puis du zoroastrisme, puis ces affaires-là. Ou bien quand il parle de corps éthérique, mais c'est ce terme-là spécifique, c'est théosophe, ça. Ou quand il parle que Jésus, c'était un initié, puis d'ailleurs, il n'est pas capable de dire Jésus, le Nazaréen. ouais, toujours. Toujours. Comme si la forme, il y a quelque chose. Il... Non. Puis, tu regardes comme faux, puis tu remarques que. Bon, en tout cas, il y a un paquet d'affaires. Tu sais, quand il dit que c'était un extraterrestre ou que c'était un maître, puis que là, c'était. Bon, ça vient de la cosmogonie d'Urantia, ça, entre autres. Je veux dire, il y a des affaires que c'est avec les années, je me suis rendu compte, ouais, mais ça vient pas de lui. Non, non, mais puis dans le fond, le concept que la pensée vient d'ailleurs, qui est un élément fondamental de son instruction, vient de Sri Aurobindo, avec ses livres sur le supramental, qui avaient été écrits bien avant ses livres. Ouais, mais même avant Sri Aurobindo, on le savait, ça. Je veux dire, c'est des vieilles affaires. Oui, bien, On le en sait. Même quand j'étais petit et que personne ne m'avait expliqué ça, on vient qu'on le sait. Je veux dire, la pensée, c'est du subtil. C'est sûr que ça vient pas ça vient pas d'aussi dense que ça. Tu sais, c'est juste. C'est pour ça que je te dis, quelque part, à un moment donné, c'est aberrant. C'est Oui, aberrant. Mais exactement. lui-même, Bernard, il dit, quand il y en a un qui parle, on voit où est-ce qu'il a pris ça, puis on voit qu'il a lu ci, puis il a lu ça. Mais Bernard, il a eu une longue lecture de tout ce qui est ésotérique. Oui, comme Richard Glenn l'expliquait, il y avait eu une bibliothèque, en fait, pas une bibliothèque, mais un commerce où ce qui vendait des livres. Une librairie. Oui, exactement, une librairie. Donc, Même, je pense qu'il avait repris de quelqu'un. Il se retrouvait avec ça. C'est sûr que s'il y a une librairie ésotérique où il vend des livres, ben, il va intégrer beaucoup d'éléments à ce moment-là. Il est dans un contexte propice à ça, là. C'est comme l'affaire. Moi, je soupçonnais que juste le fait qu'il ait été étudié en anthroposophie à Albuquerque dans certaines années. De ce que j'ai compris, c'est de l'anthropologie, pas Zophie, c'était Ah universitaire. non, je me mélange, je ne vais pas ça à l'université. C'est parce que tant qu'à moi, Bernard, c'est plus de l'anthroposophie. Oui, qui Mais va véhiculer, entre autres, dans son discours, là. la mode, c'était dans l'anthropologie des années 60, c'était tout qu'est-ce qui est chamanique, tout qu'est-ce qui. Parce que là, c'est le gros. C'est dans le temps que les universités américaines, il y a du monde qui faisait la promotion du LSD. Puis moi, je trouvais ça spécial. Puis c'est à force de puis c'est à force de parler avec du monde que ça a confirmé ce que je pensais. Puis après, il était dit, ouais, mais ça change rien, c'est pas grave. Pour moi, ça change tout. Pour moi, ça change tout. Si Bernard, son contact, il l'a eu à cause d'une substance, pour moi, ça change tout. Ben, c'est sûr que l'hypothèse, dans le fond, vu qu'il était au sud des États-Unis, qu'il aurait pris du LSD ou a été dans la jungle D'autres prendre choses. une substance psychotrope, parce que là, aujourd'hui, c'est à la mode de parler de prendre l'ayahuasca pour devenir conscient. Ben oui, comme si tu ne l'es pas avant. Non, ben c'est ça. C'est impossible d'être conscient, sinon, tu n'es peut-être pas conscient de certaines affaires, mais pour en avoir vu du monde qui ont pris de la salvia, du datura, du San Pedro, moi, j'ai pas vu grand-grand, j'ai pas vu rien d'extraordinaire avec ce monde-là, là. Non, exactement. Mais par J'ai vu contre, bien plus du monde lucide qui n'avait jamais rien pris de ça. je suis de ton avis, c'est sûr que je ne ferais pas la promotion de la drogue, puis Bernard d'ailleurs dans ses propos n'en faisait pas non plus la promotion.